mécanique du journalisme. Cahuzac, LuxLeaks, Fillon, Benalla. Certaines enquêtes ont révélé des affaires d'État et déstabilisé le pouvoir. Cette crise sans précédent, plus au sommet de l'État. Des hommes politiques ont chuté, des lois ont changé. Des journalistes ont révélé ce qui devait à tout prix être dissimulé. Le président est en garde à vue depuis hier matin. Comment travaillent ceux qui cherchent ? À son domicile, il est visé. Comment trouvent-ils l'information ? Comment la vérifient-ils ? Comment protègent-ils leurs sources ? Mécanique du journalisme, saison 4. L'affaire Fillon. Une enquête d'Isabelle Barré, Hervé Liffrand et Christophe Nobili, journaliste au Canard Enchaîné, racontée par Isabelle Barré et Hervé Liffrand. Hervé Liffrand, donc journaliste au Canard Enchaîné depuis, on va dire, quelques années. Isabelle Barré, je suis journaliste au Canard Enchaîné depuis maintenant 14 ans. Premier épisode, un candidat qui cache bien son jeu. François Fillon, on connaissait. Au Canard, on connaissait. Parce que, comme on dit, c'est pas un perdreau de l'année. Donc, il a quand même une longue carrière politique derrière lui. Et on s'était intéressé à lui, tout spécialement quand il était à Matignon, donc entre 2007 et 2012, où il était Premier ministre. Et à l'époque, il jouait, disons, la carte du, quelque part, de l'anti-bling-bling, l'anti-Sarko. Sarkozy avait été accusé d'être très bling-bling. Il avait fêté son élection en 2007 au Fouquet's, sur les Champs-Élysées, avec le gratin, etc. Fillon, lui, il l'a joué très modeste. Disons qu'il la ramenait pas, qu'il était, voilà, il laissait l'autre prendre la lumière. Le 17 mai 2007, François Fillon est nommé Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Après la mise en scène sarkozyste du Fouquet's, François Fillon choisit, lui, la sobriété. C'est à pied et sous une pluie fine que François Fillon arrive à Matignon. Il est à peine plus de 11 heures. Juste derrière lui, son épouse Pénélope. On s'est aperçu que à Matignon, il avait agrandi l'appartement de fonction du Premier ministre, qui trouvait un peu trop à l'étroit, donc il l'avait agrandi, et surtout il avait refusé de le reconnaître. On avait aussi raconté qu'il avait eu des vacances payées en Toscane par le patron de Ferrari, ou qu'il avait utilisé le jet de Moubarak pour des vacances en Égypte. Enfin, plusieurs choses qui nous indiquaient que, sous des dehors très austères, pas dépensiers, etc., au contraire, peut-être, voilà, c'est quelqu'un qui aimait bien les montres, les voitures de course. 16 mai 2012, François Fillon quitte Matignon. François Fillon qui serre deux dernières mains, dernière poignée de main avec le personnel de Matignon, son épouse également qui dit au revoir. On le rappelle, ils ont passé 5 ans tout le quinquennat à Matignon et les voilà raccompagnés par les époux héros sur le perron de Matignon. En 2012, quand il quitte Matignon, très vite, 3 semaines plus tard, il crée une société de conseil. Et à l'époque, bon, c'est légal, évidemment, il n'est pas le seul à le faire. D'autres ministres de Fillon font la même chose. Luc Châtel, Nadine Morano crée sa petite boîte de com. Enfin, c'était la mode, apparemment. Et je me souviens de m'être dit que c'était quand même assez incroyable qu'on puisse, en France, comme ça, 3 semaines après avoir quitté Matignon, créer une boîte de conseil qui va faire du conseil en affaires publiques, etc., avec tout le mélange des genres qu'on peut imaginer derrière. À l'époque, on s'y était un peu intéressé. On n'avait pas encore sorti grand-chose, je crois, parce que comme c'était tout nouveau, il n'y avait pas encore les clients, etc., mais on l'avait relevé. Et on s'aperçoit aussi que François Fillon a créé cette boîte en juin 2012, juste avant les élections législatives. Parce que je vous rappelle qu'il était Premier ministre, après la gauche arrive, et il se présente aux législatives. Il abandonne d'ailleurs au passage à Sartre parce que son siège était un peu en danger. Il préfère aller dans le 7e arrondissement de Paris, qui est une circonscription en or pour la droite. Il se fait élire là-bas, mais avant de se faire élire, il crée sa société parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de la créer une fois qu'il est député. François Fillon avait quitté Matignon en 2012, il était redevenu député et il était un petit peu sorti des radars. Voilà, il est resté un personnage important de premier plan, mais Il y avait beaucoup moins d'actualité autour de lui. Et quand il arrive 20 novembre, largement en tête des primaires, c'est un peu une surprise. Tout indique qu'il va remporter la primaire la semaine suivante, tellement il a d'avance sur Alain Juppé. 27 novembre 2016, François Fillon remporte largement la primaire de la droite avec plus de 66% des suffrages. La victoire me revient. Et c'est une victoire de fond bâtie sur des convictions. Ma démarche a été comprise. La France veut la vérité et la France veut des actes. L'affaire Fillon n'est pas partie d'une information, d'une source qui nous aurait donné quelque chose. Elle est partie d'une idée, ou même d'un impératif, qui est qu'à partir du moment où il remporte les primaires de la droite, il va falloir un peu refaire ce qu'on a fait pour tous les candidats à la présidentielle, c'est-à-dire se réintéresser à la personne, à son patrimoine notamment, à son train de vie, à tout ce qu'on aurait pu oublier de lui ou ne pas voir ces dernières années. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir un peu refaire le tour du bonhomme, si je puis dire. Les premières choses qui me viennent, moi, personnellement, c'est de vite aller rechercher les comptes de la société de conseil. Et là, énorme surprise, cette société a énormément prospéré. Elle lui a déjà rapporté 1 million d'euros de chiffre d'affaires, et encore, on n'a pas les comptes de 2016 à l'époque. Donc c'est une activité qui lui a rapporté beaucoup plus depuis 3-4 ans que son mandat de député, sans qu'il n'en parle jamais. À aucun moment pendant sa campagne des primaires, sans qu'on connaisse le nom de ses clients, avec une opacité la plus totale finalement, alors qu'il fait campagne sur « moi président, je n'aurai jamais aucune casserole, le mélange des genres, ce n'est pas pour moi, la République irréprochable ». Enfin bon, alors effectivement cette activité de consultant, elle n'est pas illégale, mais elle interroge beaucoup sur les conflits d'intérêts possibles derrière. Donc on sort ce premier papier sur cette société de conseil. Et le 30 novembre 2016, on sort un article qui s'intitule « Le député Fillon est un homme d'affaires, 17 600 euros par mois ». Donc Isabelle Barré raconte dans cet article comment il a encaissé plus de 750 000 euros de revenus en 3 ans et il s'est versé 624 000 euros de salaire net entre 2012 et 2015, plus 133 000 euros de bénéfices. Tout ça s'ajoutant bien évidemment à son traitement de député de 5 357 euros à l'époque. Et puis, on s'était gossé à une époque de Sarko et de ses montres très chères. Il avait lui aussi une véritable passion pour les montres chères, ce qui est son droit aussi le plus strict, mais toujours, je ne dis rien, je le cache, etc. Mais bon, on s'était aperçu que c'était un peu la même chose que Sarkozy. Donc voilà, donc on raconte ça, c'était quand même des choses intéressantes pour éclairer nos lecteurs sur celui qui rêvait d'être futur président de la République. S'intéresse très vite à sa déclaration d'intérêt, qui, elle, est publique, et à sa déclaration de patrimoine, qui, elle, n'est pas publique, puisqu'il est député. Donc elles sont consultables à la préfecture, et consulter une déclaration de patrimoine, c'est à la fois très simple, et en même temps, ça met un peu les gens en émoi sur place, parce qu'on a le droit de la consulter, mais on a le droit de prendre aucune note, on n'a pas le droit d'enregistrer quoi que ce soit, de photographier quoi que ce soit. On doit se rappeler de tout et on n'a pas le droit non plus d'en faire état. C'est-à-dire que ça nous donne des informations qu'on pourra utiliser plus tard. On pourra se rendre compte que tiens, c'est marrant, parce qu'on a tout sur ces déclarations de patrimoine. On a le niveau des comptes bancaires, on sait combien les personnes possèdent d'argent, de patrimoine, de parts de sociétés immobilières, on a beaucoup de choses. Donc ça peut être intéressant pour tirer des fils derrière. Mais encore une fois, on n'a pas le droit de prendre de notes. Et je me souviens que l'employé de la préfecture qui était là dans le bureau transpirait énormément. Et j'ai été un peu taquine parce que je lui ai dit « Bon, d'accord, donc on n'a pas le droit de prendre de notes, mais à partir de quel moment, quand je sors du bureau, je peux commencer à écrire très vite dans mon carnet ce que j'ai regardé ?» Et donc je lui dis « Regardez là, je fais 3 pas en arrière, je me reculais du bureau, j'arrive à l'ascenseur. » Là, il était là, il me disait « Au revoir » avant que je prenne l'ascenseur. Je dis « Là, je peux. » Et là, je sors mon carnet. Bon. Voilà, il rigolait un peu, mais il riait jaune quand même. C'était assez comique. Mais dans cette déclaration de patrimoine, il y avait beaucoup d'informations. qui nous ont mis sur des mauvaises pistes pendant plusieurs jours, voire semaines d'ailleurs. On comprenait pas certaines choses, notamment sur des parts immobilières, etc. On s'est demandé si François Fillon avait pas fait un petit arrangement pour une histoire d'impôt sur la fortune, etc. Donc on l'interrogeait là-dessus. Encore une fois, on savait vraiment pas du tout ce qu'on cherchait. On regardait tous azimuts. Voilà. Donc on examine ses déclarations de patrimoine. On se pose plusieurs questions en la regardant. François Fillon nous répond. Et effectivement, il n'y avait pas de loup. Il n'y avait rien spécifiquement à tirer de ça, à part ce qu'on a fait tout de même, c'est-à-dire revenir sur son château de la Sarthe pour bien décrire l'ampleur du château, qui n'était pas une maison ou un petit manoir, comme il avait pu le dire parfois. Il avait déclaré un jour à la télévision « Je suis propriétaire d'une maison dans la Sarthe que j'ai achetée 440 000 euros il y a une vingtaine d'années ». Donc c'est ce qu'il avait déclaré en 2013 sur France 2. Bon, le problème, c'est que c'est pas une maison comme un pavillon de banlieue. C'est un château, et un château en partie du XVe siècle, avec une surface quand même assez importante. Il y avait 3000 m² de bâtiments. C'est pas franchement un petit pavillon, et 14 hectares de terre. Et pour revenir en fin de semaine dans son manoir, il ne prenait pas le train, il ne prenait pas la voiture, il prenait surtout l'avion. Il prenait un Falcon pratiquement tous les vendredis pour aller à Angers. D'où l'attendait une voiture blindée quand il était Premier ministre pour l'emmener jusque dans son château de Beaussais, ce qui veut dire que ça coûtait très cher toutes les semaines quand même, voilà. Et on a continué à tirer les fils. C'était toujours la même logique, donc je minimise mes biens, je ne dis pas que je possède tout ça. C'était une petite histoire, mais qui continuait à souligner un peu qui était le personnage. Bon. Et puis là-dessus, on s'est dit, il faut quand même qu'on continue à travailler, parce que ça a l'air d'être un bon client. Et puis on a su que les revenus du couple, il y avait un problème, ça ne cadrait pas avec les salaires, même avec ce qui touchait avec Joseph Conseil. Bon. Donc il y avait d'autres sources de revenus. Alors c'était quoi? Ça pouvait être des livres, des choses, etc. Donc on a cherché. On a cherché pour essayer de comprendre. Et puis on ne s'attendait pas à ça, mais on a trouvé ce qu'on a trouvé.